Allez, un micro ouvert à Jean Blou avec Xavier qui est travailleur social. Alors, j'ai juste envie de dire ça parce qu'on ne sait jamais, mais moi je fais pas du journalisme d'investigation, soyons clairs. Je sais pas ce qui s'y passe à Jean Blou. C'est Xavier, par le biais de Xavier, son regard, sa parole, sa manière de voir qu'on rentre un peu, tiens, dans qu'est-ce qui se passe là-bas à Jean Blou pour vraiment. Savoir ce qui s'y passe, bah, il faudrait plein d'avis, il faudrait passer du temps, il faudrait donner la parole à plein de gens pour comprendre un peu ce qui s'y joue. Mais le micro ouvert, c'est vraiment donner la parole aux gens, quoi. Voilà, tiens, vas-y, micro, qu'est-ce que tu as envie de raconter? Le micro ouvert s'intéresse un peu à, tiens, qu'est-ce qui se joue là-bas dans les quartiers Jean Bloutois. Et avant d'écouter Xavier, eh bien, c'est une petite capsule vidéo que vous pouvez retrouver d'ailleurs, La Voix des Invisibles. Si nous existons aujourd'hui, et il y a une pléthore d'associations évidemment qui existent, ce n'est pas parce que nous avons décidé de sauver le monde. Non, nous existons aujourd'hui même pas pour guérir. Nous existons aujourd'hui pour, comme je le disais tout à l'heure, maintenir ce système. Nous existons aujourd'hui pour réparer les catastrophes sociales qui ont eu lieu au cours de ces 30, 40, 50 dernières années suite à des choix politiques désastreux. Et donc aujourd'hui, on en est là. Moi, je nous vois vraiment encore une fois comme le dernier filet de sécurité pour beaucoup de personnes. Il y a des hôpitaux, par exemple, qui ont dit non, on doit fermer une des unités de pédiatrie ou de psychiatrie pour les adolescents parce qu'on nous impose de l'extérieur de l'affecter à du Covid. Ben, on a eu des jeunes qui ont dû sortir du jour au lendemain de leur unité psychiatrique ben, parce que on a fermé un lit sur deux et qui ont dû rentrer en famille alors que c'était pas leur place et on n'avait pas d'autre chose à leur proposer. Ici, c'est plein de logements sociaux. Les logements sociaux, ils sont souvent très petits. Les logements sociaux, ils sont aussi très mal insonorisés. Donc la vie des autres, quand tout le monde est confiné, déjà, elle fait du bruit à l'ordinaire. Mais quand tout le monde doit passer 24 heures sur 24 au même endroit, le bruit devient permanent en plus d'être ordinaire. Et parfois, le bruit, il monte, parce que parfois, la tension monte dans la famille. Parfois, elle préexistait au confinement. Parfois, il y avait déjà de la violence avant le confinement. Donc on a vu des tas de choses comme ça qui explosaient. Et par exemple, il y a une dame qui m'a vraiment marquée. Je l'appelais tous les jours, elle m'appelait tous les jours. Parce qu'elle était enfermée dans une chambre et son mari à côté, son mari violent à côté. Elle était enfermée avec les enfants qui devaient étudier via Internet, donc elle ne pouvait pas quitter ce logement. Et les entrées dans les maisons d'accueil étaient gelées, enfin, c'était plus possible. Et donc, elle a tenu le coup comme ça avec le lien, parce que, et à la sortie du confinement, elle a pu rentrer dans une maison d'accueil avec ses enfants et entamer la séparation et tout ça. Mais ça a été le cas, peut-être un des cas qui m'a le plus marqué. On maintient un jeune dans sa famille alors que la famille est fragile et en difficulté. C'est tout le dispositif qu'il y a autour qui permet de faire en sorte que le jeune s'en sort. Il va à l'école, il va au match de foot, il va faire du ping-pong, il va faire du scoutisme et des services d'accompagnement viennent à la maison pour le jeune, pour leurs parents. Quand on enlève tout ça, quand le jeune est 24 heures sur 24 avec ses parents dans des intérieurs pas tout à fait vastes et avec des moyens limités, ben, on signe un problème supplémentaire, évidemment. Il n'y a plus le foot, il n'y a plus le regard extérieur. On sait aussi que le suivi de l'école à distance a constitué vraiment un enjeu majeur pour ces publics-là qui ne sont pas toujours équipés, qui sont même rarement, on va dire, équipés pour suivre l'école, accompagner les enfants dans le suivi de l'école à distance, et pour les plus âgés, les étudiants, énormément de jeunes de familles plus précaires ont dû en fait arrêter leurs études, d'une part parce qu'ils avaient perdu par exemple leur job d'étudiant qui leur permettait de subvenir à leurs besoins, et d'autre part parce que leur lieu de vie ne permet souvent pas de suivre l'enseignement à distance de manière correcte. Micro nous ouvert. Nous sommes à Namur. Hein, nous sommes à Namur. J'ai en face de moi Xavier, qu'on appelle aussi Jibril. Oui, c'est ça. C'est comme ça. L'idée de départ, en fait, c'était de te rencontrer parce que tu avais fait circuler sur ta page Facebook un article qui parlait d'Ibrahima. Donc ce black qui s'est fait, qui est mort carrément à 29 ans dans un commissariat, de nouveau un truc bien louche. Et j'ai cru que tu habitais Bruxelles et que tu étais un peu dans cette zone de quartier. Et du coup, j'avais envie de te donner la parole, mais ça ne s'est pas passé comme ça. T'as quelque chose à dire avec ce que je viens de dire pour présenter la oui, chose en fait, non, j'habite plus sur Bruxelles, j'habitais à Bruxelles. Mais je suis surtout actif au niveau du travail social sur la région de Jean-Blou, entre autres. Et aussi sur un camp de personnes transmigrantes qui, après 2 ans de travail, est en train de disparaître. Et donc, c'est tout un long travail de quartier, de présence, de cohésion sociale, de partenariat. Voilà. Et donc, quand on est un jeune comme ça qui part dans un quartier, on se dit qu'il y a d'autres choses qui auraient pu être faites autrement et qu'il y a des problèmes au niveau des missions qui sont assumées par la police et en tout cas la façon dont on les envisage. Voilà. Ouais, quand tu dis qu'il y a un jeune comme ça qui part, c'est le mot que tu as utilisé, qui est mort carrément. Il faut utiliser les mots parce que sinon on se perd un peu qu'il part, mais qu'il part où ? Non, qui est carrément mort, il ne reviendra plus. Hein. Oui, qui est mort, qui est parti et qui laisse derrière lui une famille. Et qui laisse des quartiers encore, un quartier en tout cas encore plus perturbé que ce qu'il pouvait l'être auparavant. Donc c'est clair que ce sont des quartiers que j'ai connus. Je travaillais un peu dans le 93 sur ce que j'habitais à Paris. Et c'est le type de quartier où vraiment il y a une solidarité qui existe face à une certaine maltraitance qui est quotidienne. Il y a très peu de présence, il n'y a plus de présence de police de quartier, ni à Bruxelles, ni en France, depuis déjà assez longtemps. En France, c'est le président Sarkozy qui a décidé de supprimer cette police de proximité. Bruxelles a engagé le pas aussi. Il faut dire qu'il y a une partie de la droite néerlandophone, plus particulièrement, qui est très séduite par la façon dont la France mène sa politique de police. Ils ont choisi une voie sécuritaire plutôt qu'une voie de cohésion sociale et de bienveillance. Et on voit les résultats que ça peut avoir dans certains quartiers. Surtout pour l'instant, avec la crise Covid, on voit ça dans le 93, on voit ça à Marseille. Le fait de criminaliser les institutions informelles qui viennent en aide aux populations locales, ça met toute une série de quartiers et leurs populations en danger, ne serait-ce qu'au niveau alimentaire et au niveau sanitaire. Donc au niveau de la cohésion sociale, on est encore au-delà. Mais je veux dire, même des besoins élémentaires, comme les besoins alimentaires ou les besoins médicaux, ne sont plus rencontrés dans ce genre de quartier. Donc il y a tout un problème de cohésion sociale qui se développe et de confiance de la part de la jeunesse aussi. Oui, puis ça développe aussi comme un monde sans droit, quoi. Donc il faut bien se défendre. Tu vois, si la police peut te buter, si la police est vraiment, comment dire, se comporte pas convenablement, je sais pas si c'est bien parler de dire ça, bah du coup, t'as intérêt à savoir bien te défendre et à courir vite, quoi, non ? C'est ça aussi, c'est un peu des sociétés où, de non-droit, en fait, quoi. Ce sont des zones de non-droit, ce sont des zones où moi, j'aime bien d'intervenir. Quand tu dis, toi, t'aimes bien d'intervenir, tu parles d'intervenir où ? En tant que travailleur social, bien évidemment. Et par exemple, ma première expérience était à Chorat, ça c'est connu, parce qu'on a fait un petit film là-dessus il n'y a pas longtemps. C'est Charbonnage du hasard. C'était une zone où il y avait énormément de problèmes de cohésion sociale, forte présence de personnes d'origine très diverses, kurdes, turcs, à Liège, oui. À Liège, un des derniers charbonnages à avoir fermé, en fait. Si pas le dernier, en tout cas, un des tout derniers à avoir fermé ses portes en 78. Et moi, j'ai commencé mon premier travail de cohésion sociale, travail de quartier, en 86, là-bas. T'aimes bien le mot cohésion sociale, hein. Tu l'as déjà dit, je ne sais pas, 5 fois, 6 fois. Essayons de le remplacer par autre chose pour que ça ait plus d'écho, parce que sinon, quoi, la cohésion sociale, c'est un mot à la mode qui ne veut pas plus dire grand-chose, quoi. Mais la cohésion sociale, c'est quoi ? C'est un concept qui évolue, c'est un concept qui sous-entend l'interculturalité, c'est un concept qui sous-entend l'intergénérationnalité aussi. Donc, et beaucoup de partenariats, une présence de terrain, savoir-faire, voilà. Une présence de terrain, beaucoup de pragmatisme et de réalisme aussi face aux situations qu'on a en face de soi. Et souvent, on a un vide, en fait. On a des populations qui sont en attente de mieux-être. de plus de sérénité aussi dans leur quartier éventuellement, mais il n'y a pas d'outils, ou les outils qui existent sont totalement inadaptés, donc sont détruits ou refusés par la population locale, parce qu'ils ne tiennent pas compte de leurs spécificités. On peut prendre ça comme un drame, moi je prends ça comme un cadeau. Quand il y a un vide institutionnel, on l'investit, on peut créer quelque chose avec les personnes qui sont directement concernées, c'est-à-dire les gens du quartier. Mais c'est ma façon de faire, je pense que c'est celle de beaucoup d'autres travailleurs de terrain. Tu as un exemple, parce que sinon on ne comprend pas bien. Ouais. C'est toujours chouette de ramener les choses au concret, parce que sinon ça fait trop conceptuel. Oui. Avec ce que tu viens de dire. Hein. Oui, ok. Dans une petite ville de Bourlieus, qui était une ville relativement touristique, petite ville, 25 000 habitants, un petit peu le bout du monde, donc il n'y a pas grand-chose comme activité pour les jeunes. Et c'est où ? C'est toujours bien de situer. Les Ardennes belges, oui, j'ai pas donné la ville à proprement parler, parce qu'il y a toujours des enjeux sociétaux là-bas. Mais par exemple, les personnes qu'on avait décidé d'accompagner dans ce cadre-là, étaient des jeunes qui avaient des problèmes de dépendance et qui ne pouvaient plus être acceptés dans les cadres légaux existants pour l'encadrement des jeunes de quartier. Et donc on a créé un centre culturel alternatif avec eux. Ça a ramené de suite, d'une part, beaucoup plus de tranquillité, de quiétude dans les rues et dans les parcs. Ça rassurait les touristes, c'est une ville touristique. Et donc, à côté de ça, ils avaient une maison dont ils étaient responsables, où ils prenaient des engagements. C'était autofinancé, ils effectuaient des prestations bénévoles. La SBL était rémunérée et ça leur a permis de voyager en Normandie, en Angleterre, de voir un petit peu du pays. Et la plupart de ces jeunes, quelques années après, ont une vie active relativement bien intégrée. Donc ça, c'est un projet de quartier qu'on a mené à partir de trois foires et à quoi. Voilà. Mais tu es d'accord qu'un projet de quartier en dehors, dans les Ardennes, ce n'est pas du tout la même configuration que dans Bruxelles et ces ghettos, quoi. C'est-à-dire on met tous les pauvres d'un côté, et ça, c'est vrai, quoi. On met tous les pauvres d'un côté et tous les gens de l'autre. Il y a quand même une scission, quoi, comme ça. Et puis aussi, pas le même public, quoi. Il y a des quartiers plus sensibles, clairement, à cause de la précarisation, à cause de beaucoup d'éléments économiques qu'on ne prend pas souvent en compte, à cause de la promotion immobilière aussi, c'est un élément énorme qui fait que des personnes ne trouvent où se loger que dans des endroits qu'on laisse pourrir en vue d'investissements futurs, des zones à détruire en fait. Et donc, oui, c'est vrai que c'est un cadre de vie qui est particulièrement difficile. Ouais, mais tu as travaillé aussi un peu dans ces quartiers-là, à Bruxelles J'ai travaillé, Charette, c'était dans ce cadre-là, hein, déjà, quoi. C'est en banlieue Liège, et donc, nous, on est passé à l'époque, il n'y avait pas d'AMO, à proprement parler, ça n'existait pas, il y avait des maisons de jeunes, ça ne pouvait pas s'inscrire dans le quartier. Là, on préciser, AMO, ça veut dire action en milieu ouvert, ouais. C'est comme une maison de jeunes, mais sans mandat, quoi. Voilà. Bon, non, maintenant, elles peuvent avoir un mandat, mais à l'époque, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, nous autres, on a utilisé à cette époque-là, à la fin des années 80, on a utilisé en fait la structure Terrain d'aventure, École de devoirs, ce qui permettait de toucher à peu près toute la génération. Et on avait une salle de quartier. Donc, c'est le genre de choses qu'on a développé, par exemple, à Cherat, mais aussi à Grasse-Ologne, une autre petite bourgade de la banlieue de Liège. Et autrement, j'ai travaillé sur Paris dans le 93, mais là, c'est un engagement tout différent, parce que c'est très riche, en fait, parce qu'il y a tout un réseau de partenaires. On ne part pas de rien. On part d'une situation où il n'y a pas vraiment de réponse, mais on ne part pas de rien. Il y a des gens qui sont engagés, qui font vivre le quartier pour différentes raisons. Certains des engagements politiques, d'autres des engagements spirituels, simplement le bien vivre ensemble. Oui, c'est le genre de situation aussi où la limite entre la légalité et l'illégalité n'est pas toujours évidente à saisir. Donc voilà, il faut jouer. Combien de temps tu as travaillé dans le 93, c'est Saint-Denis, ça ? Oui, 93, Saint-Denis, c'est Sarcelles, Fort-de-Stade, donc Guerche-Légonesse. J'ai travaillé en tant que bénévole. Je suis souvent bénévole, parce que je peux me le permettre. Donc, pourquoi tu peux te le permettre ? Pour des raisons de santé. Donc, c'est quelque chose qui, je n'ai pas besoin spécialement d'être reconnu financièrement. Au niveau mandataire, oui, mais... Mais parce que tu as déjà un revenu, en fait. Voilà, c'est ça, parce que j'ai déjà un revenu, tout simplement. Quoi. Et donc, c'est 3 mois de présence de quartier, et puis 6 longs mois en participant. Et alors là, on voit tout ce qui peut exister au niveau du tissu social, des difficultés de quartier, des différentes communautés qui se rencontrent ou qui ne se rencontrent pas à travers des problématiques et des solutions. 3 mois de présence de quartier, vraiment... avec tout ce que ça peut comprendre, et une attention plus particulière aux problèmes de dépendance à cette époque-là, dans les années, je veux dire, fin des années 80, début des années 90. Tu veux dire des drogues quand tu dis dépendance ? Oui, problèmes de dépendance, et puis tout l'aspect sanitaire qui était lié. À l'époque, c'était surtout les hépatites, l'HIV, c'était un vrai problème en France. Par exemple, dans le cadre où je travaillais, il faut une ordonnance médicale, et c'est toujours le cas, je pense, pour avoir une seringue. Donc, une partie du travail consistait à ramasser les seringues avec les gamins, quoi. Donc, mais pas que, bien évidemment. Mais quoi, c'est toi qui choisissais la spécificité du travail, ou bien c'est comme ça, c'est le hasard, tu t'es retrouvé dans ces histoires-là de dépendance? Non, c'est pas le hasard. Au départ, il y avait toujours une problématique qui était discutée avec les autorités locales et sur laquelle ils demandaient qu'on agisse en particulier. Donc là, on rentre dans un travail de partenariat avec des autorités. Ça comprend aussi les forces de l'ordre dans certains cadres et dans certaines missions, bien entendu, et avec certaines limites au niveau de la déontologie pour les éducateurs spécialisés et de leur éthique. Voilà. Donc c'est quelque chose à doser au quotidien. Mais le plus intéressant, c'est dans le même cadre et toujours dans le but d'évaluer un outil d'intervention de quartier, j'ai participé au recensement. C'est 6 mois de terrain. Et alors là, on voit tous les aspects de la ville, parce qu'on rentre vraiment dans des... C'est assez intrusif, un recensement, en fait, en France. Et on rentre pas mal dans l'intimité des personnes. Ah bah oui, bah là, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que le travail d'éduc spécialisé, ou pas spécialisé, hein, d'éduc, c'est quand même un travail... à la base, ça ne devrait pas, hein, mais s'il existe, c'est parce que ça permet de faire du contrôle social. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, il y a une dimension de contrôle social, mais moi, à l'expression contrôle social, je préfère nettement... je préfère parler de paix sociale et de ça... Oui. C'est un terme aussi très bateau, mais voilà, savoir vivre, bien vivre ensemble, quoi. Je préfère nettement ça. C'est pour ça que j'utilise souvent le terme cohésion sociale. Je pense qu'il y a des structures qui permettent d'évoluer en paix quand elles sont bien utilisées. Maintenant, si elles sont détournées ou mal comprises, ou si seulement utilisées en partie, comme c'est parfois le cas dans le cadre des relations des forces de police avec la population... il faut savoir qu'ils ont avant tout aussi une mission de promotion des droits humains et de respect de la loi. À partir du moment où eux s'extraient de ce cadre-là, ça devient très problématique. À partir du moment où on rentre dans une démarche uniquement répressive et sécuritaire, c'est très problématique. À partir du moment où il n'y a pas de programme de prévention ou ne serait-ce que d'approche du public qu'on est censé encadrer, il y a un vrai problème. À partir du moment où on ne tient pas compte des partenaires qui font un autre travail qu'un travail plus de présence de terrain et de sécurité, là, il y a un véritable problème. Oui. Mais je t'ai coupé parce que juste avant, tu disais en France, tu as travaillé 6 mois et du coup, tu avais trouvé, tu disais que vous faisiez du contrôle social et ça, tu n'aimais pas. Mais c'était quoi exactement ? Le contrôle social, à proprement parler, on ne peut encore le vivre sur d'autres projets, pas uniquement en France, c'est quelque chose qui existe aussi chez nous. Donc je vais prendre un exemple qui va te parler, en tout cas, je pense. C'est tout dernièrement... Je travaille sur la ville de Jeanblou actuellement. On a commencé avec des personnes démocrates, de gauche, humanistes, par lancer la promotion d'une motion commune hospitalière, ce qu'on a obtenu à la majorité de tous les partis, absolument tous, y compris la droite. Donc en quelques mots, la commune hospitalière, ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle s'engage à accueillir les personnes vulnérables. C'est un terme très très large. On pense souvent personnes handicapées, mais ça peut aussi être des personnes qui ont des problèmes de dépendance, des personnes qui ont des problèmes au sein de leur propre famille, au niveau systémique. Alors à ce moment-là, ça peut être des personnes qui ne sont pas dans une situation de légalité ou administrative claire. C'est très très large. Donc c'est des personnes dont... qui ont des difficultés avant tout à trouver des réponses à leurs besoins premiers, le bien-être et parfois des choses très matérielles, médicales, alimentaires, voilà. Moi je croyais que les communes hospitalières c'était spécifiquement pour les migrants. Non, c'est pas spécifiquement pour les migrants, ça dépend en fait. Toutes les communes hospitalières sont différentes, ce sont des motions originales. Qui justement essaye de s'adapter au mieux au cadre spécifique, au niveau sociétal, à la réalité de terrain qu'on a. Et nous, on est parti sur quelque chose de très large qui permettait justement d'inclure, c'était notre souci premier, autant les personnes en difficulté belgo-belges avec leurs papiers ou du moins repris au niveau administratif, ceux qui n'avaient pas de papiers et ceux qui ne désiraient pas non plus faire appel de façon libre et tout à fait consciente aux services sociaux classiques. Parce que ces personnes, parfois, les considèrent, et c'est parfois à juste titre, comme trop intrusives dans leur vie. Donc c'était notre souci, était de ne pas mettre en concurrence les différents types de pauvreté, pas avoir nos SDF et leurs personnes blagues de passage, quoi, comme on l'a entendu beaucoup ces dernières années. C'était le souci, en fait, en utilisant le terme personnes vulnérables, notre volonté, c'était de passer au-dessus de ça. Voilà. Et quoi continue alors ? Il y a cette motion qui est lancée de communes hospitalières où tous les partis, c'est ça, mais les partis politiques alors. Les partis politiques représentés à la commune se sont donc portés garants. Les forces de l'ordre locales aussi, le CPS local aussi, et donc. Plusieurs ONG ou associations locales se sont présentées automatiquement comme partenaires, le plan de cohésion sociale, la Croix-Rouge et d'autres. Et on s'est retrouvé avec une situation, vu la situation géographique de Jean-Blou, qui est entre Bruxelles et Namur, qui est sur une grande transversale au niveau autoroutier, et même un grand carrefour au niveau autoroutier, on s'est retrouvé avec plusieurs parkings sur le territoire communal où on avait des personnes qui étaient de passage et qui étaient prises en charge par personne. La seule solution qu'ils avaient, c'était d'aller sur Bruxelles. Attends, parce que là, on s'y perd. Tu vois, parce que toi, ça paraît évident. Des personnes de passage, qu'est-ce que tu veux dire, des personnes de passage ? Transmigrants, donc elles sont de passage sur le territoire belge. Elles sont, en général, elles tombent sous le coup de la loi Dublin qui les obligerait à s'intégrer là où leurs empreintes digitales ont été prises, c'est-à-dire en Grèce ou en Italie, voire dans les îles Canaries, des endroits magnifiques pour s'intégrer socialement. Il n'y a pas de possibilité réelle, en fait. Et donc, ces personnes prennent la route, essayent de rejoindre l'Angleterre pour des raisons culturelles, des raisons d'histoire aussi, parce qu'elles proviennent de régions qui étaient souvent des protectorats anglais. Parce que c'est une région néolibérale où eux peuvent encore, c'est un pays néolibéral, où eux peuvent trouver du travail de façon plus ou moins honorable. Quoi. Ah ouais, vraiment ? Vraiment ? Plus ou moins honorable, tout est relatif. Il y avait une facilité il y a quelque temps pour recevoir des documents. Il y avait même un droit du sol qui existait jusqu'en 86, où à partir du moment où on avait posé le pied sur le territoire, on était quasiment garanti d'avoir des papiers en bonne et due forme. C'est un droit qui remonte à 1000 ans. Et il faut savoir que la droite de la droite anglaise a petit à petit grignoté ce droit qui maintenant est réduit à néant quasiment. Quoi. Donc la réalité est tout autre, mais eux restent dans une vision un petit peu anachronique. Et eux, ça veut dire ? Eux, les personnes transmigrantes qu'on accompagne et Donc, vu le fait que eux ne demandent pas à ces personnes, les personnes transmigrantes qui sont de passage vers l'Angleterre, ne demandent pas de régularisation ici, ils étaient laissés totalement à l'abandon. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est une gare remplie. Donc, ça veut dire qu'ils se le faisaient à la débrouille, quoi. Voilà. Du coup, vous avez trouvé des endroits où ces gens se posaient, c'est ça ? Exactement. Donc, la plupart remontaient sur Bruxelles, mais alors ils étaient importunés et ils étaient malvenus aussi dans les lieux qu'ils traversaient de façon systématique et quasiment quotidienne. Ils faisaient les allers-retours entre les parkings d'autoroute où ils essayaient d'embarquer pour l'Angleterre et Bruxelles, qui était le seul endroit où ils pouvaient trouver une aide matérielle très basique. Alimentaire, vestimentaire, hygiène corporelle de base, des soins de base et des conseils administratifs, un peu de lien humain quand même, de bien-être. Hein, c'est quand même la source de notre bien-être, c'est le lien social, quoi. Et donc, on a décidé de ne plus renvoyer tout le monde sur Bruxelles, mais d'essayer de... Quand tu dis « on », c'est qui ? C'est d'abord les personnes qui étaient concernées à Gembloux. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient concernées et qui partageaient la même problématique. La problématique, ce n'était pas vraiment les gars et les filles qu'on accompagnait, qui étaient de passage vers l'Angleterre. La problématique, c'était aussi parfois et souvent les personnes locales qui ne comprenaient pas ce que faisaient ces personnes, qui elles étaient, que eux, leur objectif était de passer le plus discret possible, le plus discrètement possible. Et on a eu à l'époque des personnes qui étaient chargées sur des capots, on a eu des agressions de personnes qui rejoignaient leur parking, on a eu des rafles de personnes qui étaient simplement sans papier et de passage, qui n'avaient rien fait de répréhensible, je veux dire, qui n'avaient posé aucun acte qui manquait de civisme. Tu veux dire qu'il y avait des problèmes entre les riverains, ceux qui habitent l'endroit, et les gens de passage, quoi, et les migrants, c'est ça ? Une grosse incompréhension, parce qu'ils ne rentraient dans aucune case, quoi. Et donc, ça donnait aussi énormément de boulot aux forces de l'ordre qui étaient sans cesse appelées pour intervenir, alors qu'il n'y avait rien de dramatique. Et donc, ça causait énormément de trauma aussi pour ces personnes qui étaient contrôlées sans cesse, qui parfois n'étaient pas traitées. Il y a eu beaucoup de plaintes introduites au comité paix à l'époque. Donc on avait des gamins qui étaient gardés 48 heures en cachot, la lumière ouverte, la clim à fond. On les relâchait en sandales avec un t-shirt. Donc il y avait... En hiver alors ? Oui, à l'entrée. Parce que quand tu dis en sandales, en t-shirt. Oui, à l'entrée de l'hiver, oui. Et avec sac de couchage, sac à dos, chaussures confisquées, iPhone brisé ou confisqué, voilà quoi, et d'autres encore. Donc il y a eu énormément de problèmes à ce moment-là. Et on a. C'est ça, quand tu dis on, c'est qui le on ? Le on, c'est la plateforme citoyenne, et la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés, en fait. Et puis ces antennes locales en Wallonie qui petit à petit sont organisées elles-mêmes en coordination wallonne des collectifs et des associations d'aide aux personnes transmigrantes. Voilà. Et donc cette année, après 2 ans de travail, 2 ans et demi, presque 3 ans même de travail de terrain, au mois de septembre l'année dernière, il y a une circulaire wallonne qui est tombée, qui les protège en fait sur le territoire wallon. Qui protège les migrants ? Les personnes transmigrantes, tout à fait, dans un cadre légal en tant que personnes vulnérables. Et ça se réfère aux traités internationaux, à la Constitution, au Code civil. Et c'est bien ça, c'est bien ça. Oui, bien sûr, c'est un plus. Mmh. C'est un plus parce qu'on a investi, encore une fois, on a investi un lieu où il y avait un vide institutionnel. Ces personnes ne trouvaient aucune réponse à leurs besoins là où ils étaient. Il n'y avait pas vraiment d'écoute quant à leur désir réel. Il y en a qui étaient dans un manque d'informations complet, donc ils n'avaient pas un libre choix quant à leur avenir, qui ne savaient pas qu'ils pouvaient éventuellement régulariser leur situation ici. Il y avait énormément de manque de liens sociaux. Et il y avait un besoin avant tout de recréer du lien, de vivre une situation familiale quelque part qui leur permette de se reconstruire, parce qu'ils viennent de très très loin, pour certains d'entre eux. Voilà. Mais qu'est-ce qui a changé alors? Ça veut dire quoi? Que maintenant, il y a un lieu d'accueil pour les accueillir, pour qu'ils puissent se doucher, manger, se retaper un peu? C'est ça que ça veut dire? Ils ne sont plus dans les parkings, ils sont plus sur les parkings comme ça, un peu à la sauvage, quoi. Non, ils ne sont plus sur les parkings. S'il y en a qui vont, c'est juste de passage et la nuit pour tenter leur chance. Nous, on leur offre un choix plus large, déjà. On les informe aussi sur les alternatives légales, même si elles sont un peu compliquées parfois, qu'ils peuvent trouver. Et surtout, chaque parking a son collectif. Donc, pour chaque lieu d'embarquement, il y a un collectif. Ils sont pris en charge là où ils se trouvent. Ce sont des hébergements pour la plupart collectifs. Qui depuis cette année sont subventionnés pour la région Wallonne en Wallonie et le sont à Bruxelles par la région Bruxelles-Capitale. Et donc le travail de ces collectifs sont reconnus, ça fait que ce sont des lieux d'accueil privilégiés et protégés, en effet. Oui. Mais j'ai vu récemment la ruche, c'est quoi la ruche? La ruche, c'est le collectif de Jean Blou. J'ai participé à sa création. Et alors, la ruche, c'est la maison que le collectif a obtenue il y a déjà pratiquement 2 ans maintenant pour accueillir les personnes transmigrantes. Mais pas que. Il nous arrive aussi d'accueillir des personnes en difficulté qui sont bien belges et qui ne savent pas trop où s'adresser ou qui sortent des circuits habituels et qui ont besoin d'une aide particulière. Donc, c'est une maison qui peut accueillir idéalement 25 personnes. Filles et garçons qui sont en semi-autonomie, qui sont encadrés par les volontaires d'un collectif, avec une éthique, une déontologie, et avec une équipe pluridisciplinaire que beaucoup d'ASBL nous envieraient, je pense. Ah ouais. Qui sont composés de volontaires, oui, tout à fait, avec des ethnologues, des anthropologues, des psys, des assistants médicaux, des médecins, oui, tout à fait, le genre de choses qu'une ASBL a beaucoup de mal, dans un autre cadre légal, a beaucoup de mal à recruter et à rémunérer, surtout, voilà. Oui, c'est ce qui fait la particularité, c'est que tous ces gens sont bénévoles, quoi, c'est ça, si j'ai bien compris? Exactement, ce sont des citoyens engagés, qui sont représentés à Jean Blou au niveau communal. Je suis intervenu énormément aussi sur le camp de Spi, qui est un camp en bordure d'autoroute où il y avait un énorme parking où on avait entre 120 et 160 personnes. Et on a créé un tas de partenariats locaux au niveau culturel, au niveau humanitaire. Et au niveau humaniste aussi, donc c'est un travail multiple. Il y a un aspect politique, clairement. Il y a un aspect de présence dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et puis il y a l'aspect présence de terrain avec une réponse concrète aux besoins premiers qui sont les besoins alimentaires, l'hygiène corporelle, le fait de pouvoir trouver une famille d'accueil où se poser un peu. Voilà, c'est le travail et ça pacifie énormément les situations. Maintenant, on est un groupe de 25 personnes. En 2 ans, on a réduit le nombre de personnes présentes de 160 à 25, même si le cadre international intervient en partie. Là, je me perds. Tu parles de... C'est qui ces 25? Les 25 personnes migrantes ou en difficulté ou Là, je suis perdu. C'est 25 personnes transmigrantes qui sont toujours accueillies par deux collectifs. Alors qu'au départ, il y avait un camp avec 160 personnes et 2 lieux où on distribuait des repas et c'était tout. Donc maintenant, il y a un autre, je veux dire, il y a tout un maillage dans le village qui fait que Spi est un village hospitalier, même si Jemappes-sur-Sambre, qui est la commune dont il dépend, n'est pas une commune hospitalière. Eh bien, Spi est un village hospitalier où il y a tout un maillage où les gars et les filles qui restent présents autour du parking peuvent trouver des réponses à leurs problèmes, quels qu'ils soient. Au niveau administratif, au niveau médical, au niveau alimentaire, au niveau affectif aussi. Voilà. Fais gaffe parce que nous, on te croit, hein, Xavier, parce qu'on n'est pas sur Jean Blou, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on entend vraiment ce que tu dis. Et j'entends qu'il y a de la solidarité, les gens sont prêts à aider sans penser forcément à l'argent. C'est quand même intéressant, ça, aujourd'hui, non? Qu'il y ait des gens qui se mettent ensemble pour aider, pour être solidaires, ça existe, quoi? C'est très intéressant et à côté de ça, c'est non seulement intéressant, c'est plus que ça, c'est vital. C'est vital parce que je lisais encore hier un philosophe qui expliquait que en fait notre calmant naturel c'est un lien social serein et pérenne. Donc à partir du moment où on réussit à recréer du lien social avec des personnes qui sont hors circuit, totalement hors circuit de par la loi, de par l'administration, de par leur vécu qui est très lourd aussi souvent, c'est tout gagné quoi. C'est tout gagné, c'est que du bonheur, c'est du partage interculturel, c'est des rencontres, c'est des personnes parmi les volontaires qui vont mieux alors que parfois ils n'étaient pas au top de leur forme quand ils ont commencé à s'engager dans ce qu'eux considèrent comme une mission humaniste et humanitaire. C'est beaucoup de très chouettes choses, c'est beaucoup de rencontres. C'est aussi des rencontres entre partenaires qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant, quoi. Donc, voilà. Ah ouais, quoi comme partenaire, t'as l'air de faire quoi que je tombe par terre, là, vas-y. Un partenaire où je tombe par terre. Elle est bonne, celle-là, non ? Oui. Un partenaire où je tombe par terre. Non, il ne faut pas tomber par terre. Non, la police, par exemple, on travaille énormément avec eux. Il y a quand même des personnes qui ont une formation de la police qui ne savent pas l'importance de la mission de cohésion sociale qui est la leur aussi, qui ne savent pas non plus des choses essentielles comme les droits humains au bénéfice de procédures qui, elles, sont totalement... pour certaines d'entre elles, la plupart sont anticonstitutionnelles, en plus d'être contraires aux droits humains. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont formés, qui ont des formations en psychologie sociale. Donc il y a des gens avec qui on peut parler et qui comprennent aussi que s'il y a des citoyens qui s'engagent vis-à-vis d'une population qui est laissée à l'abandon, c'est plus de cohésion sociale, c'est plus de paix sociale et c'est beaucoup moins de travail pour eux. Et en tout cas, un travail d'une toute autre nature, quoi. Mais quand tu dis que ces populations sont laissées à l'abandon et donc ce seraient des gens bénévoles qui aideraient, et puis tu dis dans un troisième temps qu'au fond, il y a un subside de la région wallonne qui est venu. Alors c'est quoi ce bazar ? Le bazar, c'est la difficulté de la Belgique, mais ça peut être aussi son gros avantage. Je pense que ce sera notre gros avantage en tant que citoyen solidaire dans les années futures. Dans les accords de gouvernement, c'est déjà sous-entendu. Au niveau constitutionnel aussi, il y a des compétences extrêmement importantes pour les travailleurs sociaux et pour les militants humanistes et les acteurs humanitaires qui incombent maintenant aux régions. Donc parmi ces compétences, on retrouve le bon accueil. Je dis bien le bon accueil, pas simplement l'accueil. Hein. Le bon accueil des personnes vulnérables, malades ou étrangères et leur inclusion sociale. Donc ce sont des compétences qui sont maintenant régionales, mais qui de façon effective sont toujours chapeautées quelque part par le fédéral. Et là, on est en pleine transition vers ce qui pourrait s'avérer être beaucoup plus de facilité pour les régions francophones. On a un projet en fait qui se dessine petit à petit d'une Belgique à quatre régions et Bruxelles sur une région à part entière, la Wallonie aussi et la région germanophone aussi. Et ces trois régions-là, au niveau de ces compétences dont on parlait, au niveau des compétences de bon accueil pour les personnes vulnérables, étrangères et malades, pourraient recevoir beaucoup plus de liberté au niveau administratif. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Les périodes de transition, quand le fédéral doit lâcher quelque chose, ça ne se passe pas toujours bien. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu tendu parce qu'on a toujours un secrétaire d'État qui est à droite et qui entend rester, comme il le dit, selon ses propres critères, du moins, ferme et humain, surtout ferme. Donc on est dans une période de transition, mais qui doit aller vers quelque chose qui permette aux régions justement d'exercer pleinement leurs compétences. D'exercer plus librement en fait leurs compétences. Oui, parce que la semaine dernière, il y a encore eu une intervention du parquet de Flandre Oriental. Il perquisitionne par exemple, c'est très fâcheux, un milieu protégé qui est subventionné par la ville, qui est subventionné par la région Wallonne, qui est reconnu et encadré par une circulaire par la région Wallonne. Parce qu'on a trois personnes des Kidam qui ont fermé une remorque sur un parking derrière cinq personnes qui ont embarqué dans un camion pour l'Angleterre. Ces trois personnes sont accusées d'être des passeurs. ça pourrait être n'importe qui ferme les portes. Il n'y a pas nécessairement de l'argent en jeu. Je crois que c'est chacun son tour. Ça se passe comme ça d'après ce qu'on en sait. Et donc c'est un petit peu un prétexte fallacieux quand même pour jeter l'opprobre sur... sur les collectifs locaux qui sont très nombreux. Maintenant, on est plus de, je pense qu'il y a plus d'une trentaine de lieux d'accueil collectifs qui sont reconnus et subventionnés par la région wallonne. Et donc là, il y a un véritable problème, en fait. D'une part, parce que c'est un milieu protégé qui accueille des personnes vulnérables, et d'autre part, parce qu'on touche à des compétences régionales. Mais au niveau judiciaire et fédéral, c'est clair que la traite humaine est très vite... Très vite invoqué pour pouvoir poser des actions sur ce type de milieu. Ouais. Ouais, pour pouvoir justifier une répression, en fait, c'est ça aussi. Je ne dirais pas jusqu'à répression, parce que dans les cas présents, les personnes ont été relâchées parce qu'il y a eu des relais politiques qui sont intervenus, parce qu'il y a toujours, la plateforme citoyenne a des avocats et les autres associations aussi, donc il y a toujours quelqu'un d'attentif. Heureusement, on travaille avec les journalistes aussi, Dieu merci. Donc il y a toujours moyen de rattraper le coup, et je crois que le parquet de Flandre orientale a fait profil bas le lendemain comme il se devait, et s'est presque excusé. Donc tous les gars ont été relâchés dans la situation présente qui nous intéresse. Mais si ce n'est pas de la répression, en tout cas c'est de l'intrusion. Et il y a tout un travail de reconstruction des personnes qui est fait, d'accompagnement. C'est pas simplement leur donner à manger, même si à travers Orpa, il y a énormément de choses qui passent au niveau de la convivialité et du partage culturel et des confidences qui peuvent se faire. Il y a tout un travail d'accompagnement. Avoir une trentaine d'officiers qui débarquent sans crier gare, sans prévenir, sans aucun protocole préétabli, avec 6 camionnettes et 2 bus pour embarquer les gars, même si l'influence politique et journalistique et les avocats ont bien joué leur rôle, c'est toujours un trauma pour les personnes qui ont vécu des trucs de fou, comme les passages en Libye ou le désert du Soudan ou bien la Méditerranée et puis les camps qui s'en suivent. Que ce soit en Grèce ou en Italie, c'est déjà suffisamment traumatisant aussi de ne pas se rendre compte qu'on n'est pas aussi bienvenu qu'on ne le pensait, quoi. Donc voilà. Et quoi, c'est ça l'histoire de la ruche avec tous les combis qui sont. C'est ça. Moi, c'est ça. Et moi, je m'exprime pas leur nom parce que ils mènent leur barque tout seuls comme des grands depuis un an et demi. C'est très bien comme ça. La ruche, tu parles. La ruche. Oui. Moi, je ne suis plus à accrédité pour parler leur nom, mais du moins, c'est ce qu'eux ont aussi communiqué. Ce qui est fâcheux dans ce genre de situation, c'est que ça ravive les haines raciales. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont parfois violents, alors qu'il y a tout un travail de cohésion sociale au niveau de... Encore cohésion sociale, oui. C'est incroyable. Mais c'est quoi ce maudit? C'est bien vivre ensemble, en paix, et avec toutes nos différences et la richesse qui peut en découler. C'est ça, la cohésion sociale. Oui, mais tu trouves pas que le fait d'en parler autant, c'est qu'il manque justement de lien? Moi, on va pas l'appeler cohésion sociale, mais le lien social, c'est justement parce qu'il en manque que les gens se tirent dans les lattes ou sont agressifs les uns avec les autres. Limite, ils se parlent même pas, ils savent même pas de quoi il s'agit. C'est clair que là, on est dans une période très particulière depuis un an maintenant, et que avec la crise Covid, avoir du lien social constructif à travers une réunion Zoom, je suis désolé, mais on ne peut pas partager la même chose qu'autour d'une table. Sûr, mais même avant, moi, je parle. Oui, mais là, c'est particulièrement vrai pour l'instant, quoi. Donc, mais toujours est-il qu'on réussit à rester en contact. Les acteurs sociaux engagés dans le type de démarche auquel je m'associe le plus souvent, on réussit quand même à rester en contact en prenant nos précautions. On a eu à gérer aussi cette crise sanitaire. Mais c'est clair que le lien social a déjà beaucoup souffert dans la société dans laquelle on vit, qui est très individualiste. Et le lien social, c'est avant tout de la solidarité, avant tout. C'est du partage. C'est peut-être pour ça qu'on en parle autant, cohésion sociale, cohésion sociale, cohésion sociale, et parce que tellement il n'y a plus... plus de lien social avec, j'invente, la télé, l'ordi, avec nos vies hyper rapides. On n'a plus le temps de se parler, quoi. C'est clair que il y a un cadre économique qu'il faut pas oublier non plus. C'est celui dans lequel on vit, c'est un système capitaliste qui laisse peu de place en effet à tout ce qui ne rapporte pas de l'argent. Donc je pense que ce qu'on vient de vivre la dernière année montre quand même que les métiers justement où où le lien social et le bien-être d'autrui, la bienveillance et l'empathie sont en première ligne, sont essentiels, sont vraiment essentiels. Je pense que ça se passe relativement bien en Belgique, même s'il y a des situations extrêmement délicates. J'y étais encore il y a quelques semaines à Bruxelles. Dans certains quartiers, il y a des personnes qui sont sans papier, il y a des personnes aussi avec papier, il y a des personnes sur domicile fixe, il y a des personnes qui sont tombées dans une précarité à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas. Parfois des personnes qui avaient des visions très libérales de la vie aussi. Quoi, qui ont changé leur point de vue ? Ben, c'est une question de survivance quand on en a atteint. Je crois que le premier problème actuellement, ça peut choquer ce que je vais dire, mais on n'est même plus à la cohésion sociale, c'est un problème alimentaire. Le premier problème des quartiers, c'est un problème alimentaire. Donc, et sans les associations de quartiers qui parfois sont marquées spirituellement, donc il y a toute une guerre qui a été faite en France on va dire aux associations de quartiers plus communautaires ou plus axées sur l'islam, sur la communauté black ou à une communauté particulière. Mais sans ces associations, qu'elles soient marquées ou pas, au niveau de ce qui les porte, leur attention est quand même d'apporter du bien-être autour d'eux. Et en général, elles le font de façon sans discernement réel au niveau de vos croyances. Je veux dire, elles accueillent toute personne dans le besoin. Mais sans elles, il y a des quartiers entiers qui ne vivraient pas, où ce serait un dawa absolument incontrôlable. Un dawa ? Oui, oui, bordel. c'est quoi cette dawa ? Bordel immonde, c'est la rame de quartier. Mais ce sera un bordel immonde si, par exemple, dans le 93 ou à Marseille, ou dans certains quartiers de Bruxelles, ou dans le NO aussi, dans certaines entités du NO, il n'y avait pas des citoyens qui prennent la situation en main. À ce point-là, vraiment ? Tout à fait, oui, oui, j'en suis absolument persuadé. Les CPS sont déjà dépassés. Maintenant, il n'y a pas que les problèmes alimentaires, il y a les problèmes de santé. Il y a des gens qui sont retenus aussi de soigner des choses qui devaient être soignées, vues par le médecin, parce que la crise Covid, parce qu'on a peur d'aller à l'hôpital, parce qu'il y a tout un climat anxiogène. Donc, il y a des problèmes qui ont éclaté dans les familles à force d'être... de vivre tout le temps l'un sur l'autre, dans des domiciles qui ne sont pas spécialement faits pour, 24 heures sur 24, voilà. Xavier, c'est ce que tu as entendu ? Parce que moi, j'aime toujours bien confronter au concret. Mais quoi, c'est ce que tu as entendu, comme tout le monde a entendu, comme moi j'ai entendu aussi, ou bien c'est ce que tu as vu ? T'es confronté à ça directement ? Non, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'entends, c'est ce que je partage avec des collègues comme les personnes qui s'occupent du Resto du Cœur ou de la Croix-Rouge. C'est une démultiplication parfois par trois, donc on a du 300% des bénéficiaires. C'est des situations familiales extrêmes qui doivent être encadrées. Donc t'es en première ligne alors, c'est ça que ça veut dire ? Je suis souvent... Tu vois les choses en première ligne. Oui, je suis souvent en première ligne. Et je suis souvent là aussi où il y a des personnes qui ne rentrent pas dans un cadre d'accompagnement classique. Donc, par exemple, les populations roms, pour l'instant, on a une population roms et de gens du voyage, des gens du cirque aussi, de passage à Jean-Blou. C'est le genre de population qui doit être encadrée de façon spécifique. Et... on ne trouve pas toujours facilement des relais pour se faire, mais on y arrive petit à petit. Ce qui est important, c'est d'être présent sur le terrain. Je veux dire, quand tu dis, excuse-moi de te couper, mais sinon, moi aussi, j'oublie. Toi, tu ne vas pas oublier, toi ? Parce que je t'ai coupé. Non. C'est quel accompagnement spécifique dont tu parles ? Dans le cas des populations roms, c'est assez particulier parce qu'ils sont européens. Mais ils relèvent d'une loi de 2017 qui fait qu'en fait, ils doivent remplir chaque année, pour ceux qui ont le moins de chance, en fait, un document, un visa, qui est renouvelable chaque année dans leur pays d'origine, qui n'est pas toujours la Roumanie. Mais lorsque c'est la Roumanie, si c'est leur pays d'origine, c'est suffisamment frustrant comme ça, parce qu'ils sont considérés comme une minorité là-bas. Et donc, il y a parfois des confiscations de biens, et tout ça, c'est une réalité extrêmement difficile. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation de réfugiés, alors qu'ils sont citoyens européens. C'est un truc assez dingue. Il y a une loi aussi 2017. Tout ça, ce sont des héritages du gouvernement précédent qu'on doit à M. Franken, Mme de Bloch et M. Michel, surtout. Donc on a aussi des personnes qui sont simplement expulsables, alors qu'elles ont une double nationalité ou qu'elles ont même la nationalité belge, parce qu'elles se retrouvent dans une catégorie de citoyens de seconde zone qui sont potentiellement porteurs de maladies qui coûteraient de l'argent à la Sécu, qui sont dans une situation de précarité qui fait qu'ils devraient être pris en charge par les services d'aide sociaux, ou parce qu'ils sont dissidents aussi. S'ils ont une activité politique ou syndicale, ce sont des catégories de personnes qui sont expulsables. Tout comme le sont les familles roms, par exemple. Voilà. On a aussi des personnes qui se situent, en deux catégories, donc qui sont belges, mais également français. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour eux, qui évoluent sous des régimes de semi-indépendants qui n'ont pas du tout le même sens chez nous que dans d'autres pays d'Europe. Donc, il y a tout un problème au niveau de la législation européenne. Il n'y a pas vraiment de cohésion à ce niveau-là. Donc, on jongle un petit peu avec ces lois, et c'est quand même aussi des lois qui doivent être questionnées, parce que leur constitutionnalité, leur accord avec les traités internationaux posent réellement question. Mm. Ça, c'est un très gros travail de jurisprudence, mais comme la justice a été détricotée en même temps que l'a été le social et la santé et même l'enseignement à un moment, je pense qu'on a beaucoup de choses à reconstruire en Belgique. Voilà. Quand tu parles de l'enseignement, il y a un temps, c'est ça que tu as dit, hein. On est en plein dedans maintenant, de tout ce bazar, quoi. Oui, maintenant, face à la situation actuelle par rapport à l'enseignement, c'est clair qu'avoir des cours uniquement en virtuel, ça ne remplace pas une relation humaine. La relation... Je termine mon CAP, en fait. Et donc il me reste un petit stage de 24 heures à faire, mais j'ai choisi quand même de faire ma mission de travailleur social et d'éducateur pendant cette année de confinement, parce que pour moi c'est un non-sens de vouloir enseigner à des jeunes ou des jeunes adultes un métier que j'aurais abandonné au plus dur, parce que je pense qu'on a vraiment vécu des trucs de DAC aussi. Il y a un moment, on ne dormait pas trop bien, quoi. Donc, ne serait-ce qu'au niveau sanitaire, on a quand même eu des craintes à un moment aussi. Et donc, je pense que vraiment la relation d'enseignant à étudiant, c'est entre étudiants et toute la dynamique de groupe qui peut exister, on ne retrouvera jamais ça via le virtuel. Donc, parce que c'est une relation de confiance, c'est une relation... c'est aussi une relation d'autorité, c'est quelque chose qui se construit au jour le jour, et c'est avant tout une relation bienveillante aussi, et empathique. Et tout ça, on ne peut pas le construire uniquement à travers des vidéoconférences ou des bulles, c'est pas possible, il faut de l'humain, il faut du contact, il faut du parler, il faut du ressenti, il faut du toucher, on en est là, quoi. Et ça manque terriblement, voilà. Bien d'accord avec toi, là. T'as envie de terminer par quoi ? Si t'as pas d'idée, bon, moi, je peux en chercher avec toi, mais t'auras envie de parler de quoi pour terminer, alors qu'on n'en a pas encore parlé, par exemple ? De quoi est-ce qu'on pourrait parler ? Oui, je voudrais quand même revenir sur... parce que je suis musulman, donc il y a quand même l'aspect, je pense, très islamophobe de la politique qui est menée en France. Islamophobie même. Yes, islamophobie, hein, donc, séparatisme, donc et qui intéresse quand même une bonne partie de la droite, mais pas que de la droite flamande. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Je veux dire que les rencontres épisodiques avec notre Premier ministre, entre notre Premier ministre et le président français ou le Premier ministre français, elles n'ont pas été nombreuses, mais ce qui était marquant, c'est quand Monsieur De Croo revient de France, en général, il revient avec quelque chose de lourd dans son sac à dos. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que là, je vois pas du tout de quoi tu parles. Hein. Disons qu'il y a, un aspect très sécuritaire, il y a un virage très sécuritaire qui a été pris en France. On en a déjà parlé avec cette suppression des polices de proximité qui intéresse fortement la Flandre et qui aimerait imposer la même chose d'ici 2024. Mettre toutes les polices sans discernement et sans prendre en compte leurs spécificités, parce que des polices, il y en a des tas qui ont des tas de missions différentes, même si elles ont un fond commun, qui est censé être la bienveillance, justement, et le bien-être social de tout à chacun. Qui est censé être. Placer toutes ces polices sous la dépendance du fédéral, c'est encore moins de proximité, je pense. C'est moins de réalisme, c'est beaucoup plus d'administration, c'est un régime procédurier, et les procédures sont censées être soumises aux lois. Et je pense que vraiment, l'objectif pour la région wallonne, pour la région bruxelloise en devenir, et pour la région germanophone en devenir aussi, sont vraiment... l'objectif, ça doit être de rester fixé sur ses compétences de bon accueil des personnes vulnérables, des personnes malades, des personnes étrangères. Et de voir, vraiment... la cohésion sociale, et je reviens dessus vraiment parce que c'est super important, le fait de pouvoir vivre ensemble avec toutes nos différences comme si c'était des richesses, et ce sont des richesses, j'en suis persuadé, ça doit être un objectif pour la suite. Pour la suite, vraiment, pour la réforme constitutionnelle à venir, ça doit être une base, ça doit être une base de travail, c'est la base de travail essentielle, je pense. Parce que ça comprend, quand on dit personnes vulnérables, c'est très large. C'est des personnes qui peuvent être en difficulté financière de façon provisoire. Ça peut être des choses beaucoup plus profondes, plus personnelles. Ça peut être des situations beaucoup plus particulières. Mais prendre l'individu en tant qu'individu, en tant que citoyen responsable et libre et qu'acteur potentiel de changement, ça, je pense que c'est là-dessus qu'on doit construire notre avenir. Amen. Vite une petite remarque avant de couper, mais tu trouves pas que ça craint là en ce moment, ça va faire un an qu'on est sous Covid, qu'on est dans une situation complètement bizarre, où la société fonctionne bizarrement, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de resto, enfin ça c'est pas grave, hein. Enfin, je veux dire, c'est plutôt grave pour les gens, quoi, pour tous les gens qui ont des métiers qu'on empêche de travailler, enfin, il y a quelque chose de grave qui se passe là en ce moment, je ne sais pas si... comment tu perçois ça en quelques mots, parce que là on arrive à la fin évidemment, parce que évidemment toi tu... Tes derniers mots, c'est de souhaiter que ça se passe mieux, bien, c'est ça un peu. Oui, tout à fait. Oui, mais oui. Tu trouves pas que là, maintenant, ça craint, là, qu'il si y a quelque chose de grave qui est occupé à se mettre en place ? Ça craint, ce qui est très, très intéressant, par exemple, jeudi passé, en fait, moi, je suis originaire de la région de Liège, hein, donc des Ardennes, et donc il y a 11 chefs de zone qui sont réunis pour exprimer clairement qu'ils n'étaient pas du tout pour un état policier et que leur mission était de plus en plus compliquée, tellement les restrictions prises et décidées au niveau fédéral de façon limite constitutionnelle, ça aussi c'est tout un débat qui a été soulevé par des avocats, pour tout un collectif d'avocats et d'enseignants universitaires, que ces mesures étaient tellement compliquées à appliquer qu'eux-mêmes s'en tenaient à avertir les gens au niveau de la sécurité sanitaire. Et donc, eux n'étaient pas du tout pour une société policière, c'était pas du tout leur objectif, et qu'ils étaient très embêtés avec l'image qu'eux-mêmes avaient d'eux-mêmes, et non pas que les gens leur renvoyaient d'eux-mêmes, ce qui est encore plus grave. Mmh. Et donc, ces chefs de corps, ces chefs de zone, ces commissaires ont décidé, pour la région liégeoise, d'agir avec bienveillance en mon père de famille. Et ils ont fait de la pub pour ça ? Tu les as entendus Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs articles, dont un dans le métro, qui était très très bien fait. Parfois, il y a très bons articles dans le métro. Et donc, ils s'expriment clairement à ce sujet. Et ils terminent leur communiqué en disant qu'eux ne sont pas du tout partisans pour une société policière au sens on va dire, militaire du terme, avec trois fois des guillemets, hein, militaire, bien entendu. Donc, je crois qu'il y a des gens aussi dans la police qui ont une formation psychologique, psychosociale, médicale, de contention, enfin, comme ça se donne ici. dans cette maison où on est. Les gens l'ont pas, les gens le voient pas, et c'est vrai qu'on a parlé de Namur. En fait, on est dans l'école. Comment, c'est quoi l'acronyme? C'est le campus provincial. Et alors, on est à l'IPFS, où moi je fais partie de la commission qualité enseignement entre professionnels. Et il y a également la haute école d'infirmières, ça peut toujours servir aussi, qui est présente dans la maison. Et la COPS Academy, donc l'école de police où les policiers ont une formation. On blague souvent entre nous en disant qu'on fonctionne en vase fermé. Ceux qui arrivent chez les éducateurs finissent soit chez les infirmiers, soit chez la police, et inversement. Quoi. Donc mais en fait, il y a un bon travail de formation qui est fait, et je pense aussi que ça, c'est un projet d'avenir à poser. Quoi. Vraiment donner une formation à ces personnes qui ne fonctionnent plus en vase clos et uniquement avec un cadre juridique flou dans le sens procédurier du terme. Mmh. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Et si on réussit à faire une société d'ici quelques mois ou quelques années plus inclusive, et plus tournée vers les besoins des citoyens, plus participative aussi, je pense que ce sera que du bonheur. Quoi. Donc, Merci Xavier. Merci à toi, Graziella.